Alors expliquez-moi ce qui se passe. Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Vous êtes fou, mon petit. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers l'infini et au-delà. Mathilde Serrel. Atterrissage réussi en 1900. Un véritable Disneyland colonial, voilà ce que je vois. Plus de la moitié du parc du Trocadéro est dédié aux répliques des colonies et protectorats français. Vitrine de l'industrie, du commerce et des arts des nations, cette géante exposition universelle, 10 fois plus étendue que celle de 1855, n'a jamais été aussi grand spectacle. Et le clou de ce spectacle, c'est, paraît-il, ce fameux parc des colonies. Un vrai voyage. Au pied du Trocadéro étaient groupés les pavillons des colonies françaises et étrangères. Toute la colline était un rêve d'exotisme où se mêlaient les casbahs, les mosquées, les pagodes, les paillotes. Parmi les must-sees figure le pavillon des attractions algériennes. Le père de famille se dit qu'il reviendra seul pour admirer le ventre mobile des Ouled Naïls. J'aperçois un peu partout dans les jardins des poteaux dont on me dit qu'ils proviennent de la salle des palabres du roi Tofa. Dans ce parc des colonies, le Dahomey se trouve particulièrement mis en valeur. C'est la dernière acquisition de la France et comme la conquête n'a pas été facile, tout le monde se presse pour en avoir un aperçu. Moi monsieur j'ai fait la colo, Dakar, Conakry, Bamako. Moi monsieur j'ai eu la belle vie, au temps béni des colonies. Je pénètre dans le pavillon, couleur rose saumon, imitation terre de barre des constructions du bas Dahomey. Au mur, des cartes et des statistiques. Une véritable campagne de pub. Le tracé du futur chemin de fer qui va relier Dahomey au Niger, mais aussi les chiffres d'affaires florissants des nouvelles factoreries de Porto Novo ou de Cotonou sont là pour convaincre les visiteurs. Sans oublier une collection d'œuvres et d'objets présentée pêle-mêle dans les vitrines. La future présidente de la Fondation Zinsou, Marie-Cécile Zinsou, m'accompagne dans ce voyage et me livre ses premières impressions. Dans ces vitrines, on va trouver à la fois l'habit d'apparat du roi Tofa de Porto Novo, qui est un habit en velours rouge qui n'est pas un tissu très local. Et puis à côté de ça, on va trouver les récades des rois du Dahomey, donc les frères ennemis de Porto Novo. Donc les récades étant les bâtons de commandement du roi, un peu comme des sceptres ou qui permettent de faire passer le message du roi quand le roi n'est pas présent. On va trouver les trônes des rois. Il y a une salle des trônes avec plusieurs trônes qui attirent l'attention puisqu'il y a un trône qui est sur des crânes humains, un trône qui est recouvert de feuilles d'argent. Et puis après, il y a des cataclés, les petits tabourets qui servent au roi en déplacement ou à sa cour. Voilà, il y a tous ces objets qui incarnent ce pays, le Dahomey, que les Français découvrent. Tout ici est rassemblé dans une incohérence scénographique qui n'obéit qu'à une seule règle, le bazar exotique et divertissant. Mais est-ce donc seulement cela que les Français découvrent ? Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur. Transportation réussie. Vous êtes de retour au 21e siècle. Ce que l'on peut dire, plus d'un siècle plus tard, c'est qu'il s'opère à l'exposition universelle de 1900 une double révolution du regard. D'une part, les plus grands artistes européens seront durablement décentrés et influencés par ses véritables œuvres. Picasso, pour n'en citer qu'un, mais aussi Apollinaire. Il écrit dans le Journal de Paris en 1910 « L'État ne voit encore en tels ouvrages, dont la beauté est reconnue maintenant par un grand nombre d'Européens, que de grossiers fétiches, témoignages grotesques, de superstitions ridicules. Or, ce sont des chefs-d'œuvre. Et il mériterait pour lui un musée qui ne confonde pas histoire de l'art et ethnographie. C'est le trajet qui va prendre presque un siècle, du musée ethnographique du Trocadéro au musée du Quai Branly. En fait, une des choses intéressantes avec les arts du Dahomey, c'est que ce ne sont pas des arts anonymes. Ce ne sont pas des artisans un peu doués qui se trouvent avoir laissé des œuvres par là. Pas du tout. C'est vraiment des artistes de cour. Dans l'art du Dahomey, il y a cette chose qui est un peu formidable aujourd'hui, qui est qu'on peut reconnaître l'artiste et pas se dire « Ah, ces Africains sont tellement doués pour faire des trônes. » Ça, c'est un masque du peuple Edo du Bénin. Il date du XVIe siècle. D'accord. Et cette arme-là, d'où elle vient ? Aussi du Bénin, XVIIe siècle. Tribu Peul, si je me souviens bien. Non. Je vous demande pardon ? Des soldats britanniques l'ont trouvée au Bénin, mais elle vient du Wakanda. Entièrement faite de vibranium. Pas la peine de vous énerver, je vais vous en débarrasser. Ces pièces ne sont pas à vendre. À votre avis, comment vos ancêtres les ont eues ? Vous croyez qu'ils les ont payées ou qu'ils les ont pris comme ils ont piqué tout le reste ? Oh, mais donne-nous un épi ! Le problème, c'est que ce décentrement du regard ne suffit pas. La preuve, Apollinaire n'envisage même pas le retour de ces pièces dites d'art nègre, puis primitif, au pays de leurs artistes. L'exposition universelle et les vitrines de l'art colonial ont provoqué une autre révolution du regard, tout aussi durable, mais dommageable. La colonisation, le fait de prendre les gens pour des inférieurs, et voilà, de prendre l'Afrique pour un sous-continent que l'Europe se partage dans une conférence à Berlin un jour de 1885, le problème c'est que le regard européen a été faussé complètement, et comme l'Europe est un tout petit peu européano-centrée, l'Europe a cru que c'était la vérité, que son regard disait une vérité, c'est-à-dire que l'Afrique s'était un peu arrêtée en tout et que la colonisation l'avait un peu sauvée. Quand on parle des premières relations diplomatiques, on parle des relations diplomatiques entre la cour de Louis XIV et la cour des différents royaumes d'Afrique de l'Ouest. Il y a des relations diplomatiques classiques. Etc. C'est tout à coup, vers le XXe siècle, qu'on a commencé à penser que l'Europe était bien bien supérieure, puisqu'elle avait cette preuve qui était qu'elle avait colonisé. Mais c'est un regard très récent, le regard de mépris et de condescendance sur l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes orphelins. Nous sommes orphelins, en quelque sorte, d'un imaginaire commun. Et je veux reconstruire cet imaginaire commun et d'avenir autour de trois remèdes. Le premier remède, c'est la culture. Dans ce domaine, je ne peux pas accepter qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit en France. Alors certains trouvent ça réducteur et disent c'est un peu dommage de faire des musées nationalistes qui parlent du Dahomey au Dahomey, du Burkina Faso au Burkina Faso. Mais enfin pour le moment on n'a rien. Donc l'universalité se trouve dans les musées européens, dans une petite latitude dans laquelle on a Berlin, Londres et Paris. Et puis pour le reste du monde et notamment pour le continent africain, il n'y a pas grand chose. Il n'y a rien. Comment il n'y a rien ? Et ça ? Mais ça c'est rien. C'est rien. Et moi, je n'ai rien ? Non, il n'y a rien ! Au XXIe siècle, il n'est pas question de renoncer à l'universel, mais de lui donner une toute nouvelle définition.